ce malheur qui jour et jour me poigne et qui ravit ma jeune liberté. Dois-je toujours obéir en ce point, ne recevant que toute cruauté? Fidèlement, amant, je sens mes sens troublés et mon mal redoublé. Un soleil doublement éclairci, ont tellement mes morales atteints que je me vois déjà presque transi. Son œil ardent, ardent en moi, et moi du feu me brille peu à peu. Très cher, volant.